diversité de la situation, la fragmentation et des luttes. Vous avez commencé par une phrase sur la fonction heuristique de la comparaison des peuples minoritaires. C'est vrai qu'on ne peut qu'être frappé quand même en changeant ce qui doit être changé par tous les points communs qu'il peut y avoir entre les peuples minoritaires et entre les représentations ou les comportements des États par rapport aux peuples minoritaires. C'est frappant. On est tous des sauvages, on a tous résisté, on a tous... voilà, il faut qu'on tous qu'on disparaisse pour assurer parachever l'unité nationale. On a aussi tous des ennemis à droite et à gauche et souvent à l'extrême gauche. Enfin, on retrouve ça partout. À Douarnenez, l'autre jour, il y avait un festival des cinémas. Les Kurdes étaient là. C'était la même chose. Mais évidemment, toujours en France, il faut les changer parce que dans des contextes qui sont parfois absolument terribles. Et le berbère a donc été inventé par les Verts blancs, mais le breton a été inventé par les nazis. Oui, tout à fait. Voilà, donc, qui veut poser la première question, c'est toujours difficile de se lancer pour la première question. Oui, moi j'ai une question parce que au début des années 70, pour des raisons professionnelles, j'ai été plusieurs fois en Algérie. Et à ce moment-là, c'était Boumi Diagne qui était le président de la République. Il avait lancé une grande campagne d'arabisation. Oui. Mais c'était encore à ce moment-là pas tellement contre les langues berbères. Contre le français. Pour exclure complètement le français, oui. De l'espace public. Et d'ailleurs, ils avaient commencé à ce moment-là, par les concours administratifs et tout, avant, on se faisait qu'en français. Tout à fait. Ils ont commencé à ce moment-là à obliger pour... Tout à fait. Les poches, n'importe quoi. Parce qu'il y a une épreuve en arabe. Et ça a été un peu pagaillot, puisqu'il n'y avait pas de gens formés à l'arabe. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Parce qu'après, j'ai peut-être 3 ans, mais pas en continu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est devenu de nous après les années 75, 80? Alors, votre question est tout à fait intéressante parce que, bon, ça déborde un peu l'objet de notre débat d'aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion d'en parler longuement avec des collègues sociolinguistes plus généralistes. Ce qui est assez extraordinaire en Afrique du Nord, c'est la permanence du déni de réalité. Cette politique d'arabisation a été poursuivie, accentuée, l'arabisation généralisée de l'administration, de l'université, etc. Mais si on regarde la réalité objective actuelle, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, en réalité, tous les secteurs clés, je dis bien tous les secteurs clés, et il y en a un qui est décisif, à l'écrit en tout cas, se font en français. C'est l'économie, c'est le fonctionnement administratif des entreprises, c'est la médecine, c'est les écoles d'ingénieurs, etc. Et l'une des choses les plus spectaculaires, je vais vous raconter une anecdote. J'ai commencé par la conclusion. Les services de sécurité fonctionnent bien entendu en français. Pourquoi? Parce que l'état civil est d'origine est française. Et vous ne retrouverez pas votre bonhomme si vous passez par l'arabe. Je vais raconter une anecdote. Les Algériens ont instauré depuis quelques années un passeport biométrique ultra sécurisé, vraiment très plus sécurisé que le passeport biométrique français. On vous demande en plus une prise de sang, etc. Vraiment, tout y passe. Et pour la délivrance de ce passeport biométrique, on vous demande un extrait de naissance spécial qui est délivré centralement par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle le 12S, qui est délivré une seule fois. Donc aucune possibilité de duplicata ni rien du tout. Hein. Après, sinon, il faut passer par le juge. Enfin, c'est des histoires. En fait, je sais pourquoi. Hein. C'est que pendant toute la période 90 de guerre civile, il est probable que les états civils ont été largement piratés par les islamistes armés et que, bon, des faux papiers doivent circuler à dose industrielle. Et moi, je trouve que je veille à garder toujours mon passeport algérien pour pouvoir circuler. Difficilement, mais quand même. Je demande ce 12S. Il se trouve que je suis né en France. Et donc, j'ai été déclaré à l'été civil en France. Et comme beaucoup de Kabyles, mon premier prénom, c'est Mohand. Mohand Salem. Mohand, qui est la forme kabyle de Mohammed. Mohand. Ou Mohand. Avec un N et non pas un D. Donc, le 12S est fait sur la base d'une retranscription de l'état civil français qui passe par le ministère des Affaires étrangères, etc. Et ça aboutit à l'intérieur qui vous délivre votre 12S. Votre certificat, votre extrait de naissance sécurisé. Je reçois mon 12S. Alors déjà, une bizarrerie. L'arabe est langue officielle exclusive. Tous les textes, je dis bien tous les textes, stipulent que tout document administratif est en langue arabe. Le 12S, c'est bilingue. Français, arabe. Déjà, vous voyez le genre de... C'est pas anecdotique, ça veut dire réellement quelque chose de très très profond. Un double jeu, tout simplement. C'est pas un déni de réalité, c'est un double jeu et un double langage. Et sur mon 12S, vous avez l'état civil en français qui est conforme à l'état civil d'origine. Je m'appelle Mohand. Et sur la version arabe, ils m'ont mis Mohammed. C'est-à-dire que le type qui a transcrit, qui n'était pas être un kabyle, dit qu'est-ce que c'est ce Mohammed ? Ce Mohand, ça doit être un Mohammed automatique. Il m'a donc réislamisé, selon la bonne... Il m'a réislamisé. Vous débarquez avec ça au consulat pour faire délivrer votre passeport biométrique. L'agent, vous avez tous les papiers, dit Oh, monsieur, il y a un problème. C'est pas conforme. Moi, je ne peux pas le prendre, votre 12S. Vous avez. Mon dossier chez vous, je me suis toujours appelé Mohand, tous les papiers, les cartes consulaires, tous les papiers que vous m'avez délivrés. Écoutez, moi, je ne peux pas, normalement, la loi, c'est clair, c'est la version arabe qui est la seule qui fait loi. Écoutez, mais ça ne va pas, hein, moi. J'appelle le consul. Le consul descend, vous connaissez un peu, quand même, vous savez qui j'étais. Le gars lui explique. Et le consul lui dit, non, vous appuyez sur le français. C'est le français qui fait faux. Pourquoi ? Parce que si vous vous appelez, parce que les services de sécurité me connaissent sous Mohand Salem, et non pas sous Mohammed Salem. Tout simplement, ça ne va pas plus loin que ça. Tout le hein, donc... Si vous voulez, on est dans des pays, au fond, où la francophonie n'a jamais été aussi présente, mais on ne peut pas l'assumer. Pourquoi ? Parce que le nationalisme et l'idéologie d'État est partie sur, enfin, fondée sur une affirmation de l'arabité exclusive. Le français, c'est la langue de la colonisation. Rares sont les intellectuels maghrébins qui vous disent « le français est aussi notre langue ». Il en existe. Peut-être Blassine ou d'autres, hein, vous prendre des écrivains, mais aussi au Maroc. Hein. C'est-à-dire que la réalité, c'est que tout ce qui est fonctionnel se fait en français. Tout ce qui est fonctionnel se fait en français, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. L'école publique, évidemment, est à dominante arabe. Mais dès que les gens ont les moyens, on met les enfants à l'école privée francophone. Toute la bourgeoisie marocaine ou algérienne fonctionne sur cette base-là. Parce qu'on sait très bien que les perspectives professionnelles passent par le français, voire l'anglais. Au fond, l'arabe vous permet d'accéder au métier de la fonction publique, de la justice, au métier, disons, de la culture d'État. Autre anecdote, excusez-moi, mais je crois que je crois que c'est vraiment à partir de ces données de terrain qu'on comprend les réalités. J'ai eu toujours autre, tout à fait récente, ça date de 2 ans. On avait décidé dans ma famille de vendre un bout de terrain qui nous ennuyait, on ne savait plus quoi en faire, bon, c'était à l'abandon. Il fallait que je donne procuration à ma sœur qui vit en Algérie. Le code de procédure civile et administrative, je suis désolé, mais il faut que je vous retrouve. Et il est en vigueur. Je vais vous lire. Il faut que je le retrouve. Ah. Bon. Date de 2005. Donc c'est une loi, hein, c'est pas un décret ou un règlement, c'est une loi votée par le Parlement. Tout document administratif sous peine de nullité doit être rédigé en langue arabe. Et tout document d'origine étrangère doit recevoir une traduction officielle en langue arabe pour être valide et présentable devant l'administration, les juges, etc. Pardon, ça veut dire que le français n'a aucune place juridique. Exactement le même incident. Je vais au consulat faire une procuration. Quelle ne fut ma stupéfaction de voir que la procuration de vente faite à ma sœur, on l'a rédigée en français, sans aucun problème. Elle a été acceptée telle quelle par le notaire en Algérie. Alors je me suis dit, bon, consulat d'Algérie en France, admettons, ça se comprend. Il se trouve que j'ai une sœur à Londres et j'ai un frère à Washington, qui sont tous les deux qui ont fait la même démarche, qui sont allés au consulat algérien à Londres et au consulat d'Algérie à Washington. Ben, la procuration est faite en français aussi. C'est-à-dire que le français est une langue officielle de facto, mais pas dans la loi, et on refuse de l'admettre comme telle, tout simplement. Au fond, l'arabisation, beaucoup de gens le pensent, a été un moyen de contrôle politique et de contrôle, de mise au pas d'un certain nombre, de marginalisation de certains milieux et de contrôle politique, tout simplement. Parce qu'il est évident qu'à travers la langue passe aussi un certain nombre d'autres choses. Ce n'est pas simplement un outil. Voilà. On va peut-être prendre d'autres questions. Est-ce qu'il va falloir partir bientôt pour déjeuner? Parce qu'il y a une autre intervention cet après-midi. Donc on va prendre d'autres questions. Francis, toi, tu veux poser une question? Non, c'était une petite remarque. Sur Berbère, juste, je lisais l'autre fois que c'est vieux. Les Grecs, donc, en fait, c'est bon. C'est ceux qui font un bruit, qui font peur. Sur les sauvages, appliqué au cerf, en bois, qui était au nom. Donc, et donc, au départ, ça concernait pas vraiment les maghrébins, mais plutôt ceux qui sont en montagne, via Marseille, etc., au nord-ouest. C'est vrai. Oui. Là, ma question est seulement linguistique. Par rapport à la réponse une réponse commune qu'il y a eu, vous avez parlé d'une citation. Oui, c'est un peu l'endroit quand il y a. Il y a une qui s'est la sirza. Donc, sirza, c'était pas. Si on arrive à traverser la mer, on pourra facilement traverser une petite rivière, enfin un petit torrent de rien. Voilà. Ça, c'est l'éternel. Et c'est vraiment le discours d'Aït Ahmed, si vous relisez Mémoire d'un combattant, au fond. C'est un combat secondaire qui risque de diviser le Front nationaliste, ça c'est très clair. Cette idée de diviser le Front national anticolonial est présente. Et d'ailleurs, les berbéristes du mouvement national, vous savez qu'il y a eu une crise, la fameuse crise berbériste de 48-49, très amusant d'ailleurs, le rôle de la diaspora est fondamental. Le seul moment où politiquement, avant l'indépendance, la question a été posée, c'est encore en émigration. Pourquoi ? Parce que la fédération émigrée de France du MTLD, donc l'ancêtre direct du FLN, était à 90% kabyle. À l'époque, l'émigration jusqu'en 62 était très majoritairement kabyle, l'émigration algérienne. Hein ? Après, les choses ont changé. Hein ? Elle s'est nationalisée, hein, dans le plan géographique. Mais à l'époque, donc, les ouvriers étaient essentiellement kabyles. Du coup, les militants nationalistes étaient recrutés dans ce milieu-là, et en 1948-49, à l'initiative d'un monsieur qui est encore en vie, qui vient d'écrire ses mémoires, Rachid Amirien, le frère de à l'initiative d'Amirien, il y a une motion qui a été déposée, qui a été votée majoritairement par la Fédération de France, contre la thèse officielle du parti, qui était donc la thèse officielle, l'Algérie est arabe et musulmane, qui était l'Algérie est algérienne, c'est-à-dire arabe et berbère. C'est ce qu'on a appelé la thèse de l'Algérie algérienne. Et du coup, il y a eu cette fédération se dissocier de la ligne officielle, il y a eu un conflit très très violent qui a fini par l'exclusion massive, mais c'est la Fédération de France, c'est la seule qui a pris position pour les fédérations d'Alger, Tunisie, etc., qui étaient majoritairement kabyles, n'ont pas suivi. Hein, on est bien dans cette logique au fond, et elle permet de s'en expliquer très clairement dans Mémoire d'un combattant, et à cette époque, se lancer dans ce combat sur la culture berbère, c'était prêter, je dirais, le cheval de Troie pour le colonialisme, c'était diviser le front anticolonial, c'était, etc. Et dans cette logique, au fond, face à l'ennemi commun, taisons nos différences. Mais la question a été posée au sein même du mouvement national. Hein, les gens ont été exclus, certains liquidés physiquement, mais c'est de cette époque que date vraiment cette stigmatisation du berbérisme comme ennemi, disons, agent de l'étranger. Agent de l'étranger à l'époque de la France, etc. Mais à tout moment, l'insurrection de 63 avec Carmel, c'est pareil, moi j'étais jeune, j'ai vécu ça très près, beaucoup de cousins étaient engagés dans le métier de FFS. Vous voyez la presse algérienne de l'époque, c'est la main de l'étranger, la sécession de l'île, etc. Hein, tout de suite, vous bougez, vous êtes suspecté de remettre en cause ce qui, d'une certaine façon, est peut-être vrai. C'est pas... Et d'ailleurs, dans les représentations arabes, c'est très intéressant, au Moyen-Orient, les Berbères sont très souvent présentés comme les Kurdes du Maghreb, au fond. Hein, les Kurdes au Moyen-Orient, il y a les Berbères. Ceux qui sont susceptibles de briser un peu cette hégémonie arabe. Bon, maintenant, j'avoue que là, actuellement, je pense, hein, sans doute, c'est un effet de l'âge. Hein, mais je pense quand même qu'on est dans une phase très vraiment cruciale. Parce que, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que tous les éléments objectifs qui ont permis la survie des Berbères, tant qu'identité linguistique et culturelle spécifique, pendant des siècles et des millénaires, malgré ces pressions extérieures, tous ces éléments objectifs ont disparu. C'est-à-dire l'isolement géographique, l'autarcie économique, l'extériorité à l'État central. Nous sommes maintenant dans une situation qui rappelle beaucoup plus celle de la France en général depuis la au moins la révolution, c'est-à-dire une intégration nationale poussée, une scolarisation de masse, des mouvements de population considérables, l'action des médias, etc. On est donc dans une situation où ces paramètres, y compris, justement, parce que les gars ici l'excusent, mais on écrivait souvent dans le début de ma carrière encore, le conservatoire, le vecteur de la langue et de la culture berbère, ce sont les femmes. Oui, quand elles n'ont pas été scolarisées. À partir du moment où vous scolarisez massivement et majoritairement dans des langues étrangères, dans des langues étrangères, la transmission devient très difficile. Parce qu'au fond, votre langue d'usage, votre langue utilitaire, derrière autre chose, les espaces d'usage et les fonctions attribuées sont en relation constante. Moi, j'ai connu une famille, j'ai connu une famille où il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante. Donc, j'ai connu ce que certains d'entre vous, peut-être, ont connu en Bretagne intérieure et pour longtemps, les veillées avec les comptes, les vieilles grand-mères, les grand-mères, les tantes, etc. Bon, c'est tout. Maintenant, vous allez dans une maison de pays, qu'est-ce que vous voyez ? La télé, tout le monde a un portable, téléphone et ordinateur. Donc, vous branchez sur la télé nationale, sur ce que vous voulez, etc. Dire que l'effet d'érosion est quand même, je pense que là, on est dans une situation. Et puis, l'effondrement économique aussi, qui est fondamental. L'autarcie économique a permis à ces régions de survivre en même temps. Vous savez très bien que la francisation du territoire de la France, c'est bien sûr des actions politiques, scolaires, tout ce qu'on voudra, mais fondamentalement, c'est l'effondrement des sociétés rurales. C'est très bête en Occitanie, c'est très bête en Provence. Hein. C'est l'effondrement du monde rural qui et l'urbanisation sur Marseille et la vallée du Rhône qui fait que le monde rural se vide et perd sa substance, donc sa base démographique. Et moi, je ne suis pas loin de parier, là j'ai des amis marocains qui sont tout à fait d'accord avec moi, que par exemple, la politique marocaine qui nous a étonnés d'aller jusqu'à reconnaître un statut de langue officielle, elle se fonde sur cette analyse-là. Au fond, le monde rural berbère est anthropologiquement moribond. Donc il n'est plus un danger. Il est intégral. Tant que vous aviez, comme encore dans les années 60, des riffins capables de prendre les armes contre l'armée du roi, hein, avec plusieurs milliers de morts. Ça veut dire que là, vous avez encore une organisation tribale, des solidarités tribales, un réseau qui fonctionne sur des bases non étatiques. Et après tout, comme je dis souvent à mes amis, l'insurrection d'Aït Ahmed en 63 est possible en 63, je ne suis pas du tout sûr qu'elle serait possible maintenant. Parce que la Kabylie a profondément changé. Il faut tenir compte du fait que les berbérophones ont du mal à admettre ces questions-là, mais moi je trouve la fonction rustique de la comparaison est quand même fondamentale. Hein. Les langues régionales, les cultures, peuple minoritaire de France, c'est vraiment ça qui l'a définitivement mis en situation de danger, c'est l'effondrement du monde traditionnel. En Kabylie, on ne s'en aperçoit pas, on a du mal à l'admettre, il y a encore beaucoup de populations, etc. Mais il faut tenir compte du fait que la majorité des berbérophones ne sont plus maintenant dans les zones berbérophones. Ce qui induit si vous voulez, d'abord un poids relatif en diminution, objectif, et deuxièmement des vecteurs d'influence externe démultipliés à l'extrême. Parce que ça va, ça vient, parce que la cohésion anthropologique des sociétés berbères, je pense qu'elle a. Elle est moribonde, elle a existé jusqu'aux années 60. Elle existe même dans les populations touareg qui étaient les moins atteintes par ce qu'on appelle la modernité, elle est finie. c'est d'autres réseaux qui se mettent en place, c'est d'autres situations qui se mettent en place, d'autres influences. Donc là, je pense que, hélas, à mon avis, au fond, on peut se demander si les gestes d'ouverture des États algériens et marocains ne sont pas directement connectés ou le symptôme de cet effondrement et de cette baisse du niveau de danger que représentent les Berbères. On peut vous reconnaître, vous n'êtes plus un danger politique. C'est peut-être moins vrai en Algérie qu'au Maroc. Hein, le Maroc, c'est très net. Hein, c'est très, très net. Bon, on pourrait en faire de la sociopolitologie beaucoup plus fine. Hein. Par exemple, on voit très bien qu'en Algérie et au Maroc, en même temps que la reconnaissance institutionnelle et juridique, il y a une stratégie qui est très très claire d'intégration des élites berbères. L'intégration politique. On a le cas d'Algérie tout à fait flagrant. On a même souvent nommé une ministre chargée, au fond, de ce travail d'intégration politique des relais des élites berbères. Je vais poser une dernière question.